cachée. Contre l'amour, moi peux pas l'idée. Moi peux dire tout seul, moi ni. Ouais, mais moi et moi aussi, moi qu'à compter.